إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer. Le cheikh, on est arrivé au point où il explique, il dit « Ar-radd ala al-munharifina an manhaj salaf fi asma'illahi wa sifatihi min al-mushabbihati wal-mu'attila » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la récitation des gens qui sont déviés de la voix des salaf au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les, ou parmi les al-mushabbiha wal-mu'attila. Dans ce titre, il y a peut-être trois termes qu'il faut expliquer. Premièrement, le terme manhaj al-salaf. Manhaj al-salaf, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est les prédécesseurs, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui ont étudié avec eux, al-tabi'un, wa-tabi'una lahum bi-ihsan, ceux qui les ont suivis dans ce droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم c'est-à-dire la meilleure des générations c'est ma génération puis celle qui la suit puis celle qui la suit c'est-à-dire les trois premières générations c'est les trois meilleures générations et le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a dit aussi qu'il fallait suivre l'exemple de sa sunna et la sunna des khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di c'est-à-dire les successeurs bien guidés après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans un autre hadith, il a dit, que le groupe sauvé, celui qui allait être sauvé parmi les 73, c'est celui qui allait suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple de ses sahaba. Ma ana alayhi yawm wa ashabi. Ce que je suis moi-même aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Donc, ça c'est ce qu'on serait fait comme étant السلف اي الله سبحانه وتعالى اذن القران السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى اذن les tout premiers croyants ceux qui ont précédé dans la foi et qui ont été les premiers à croire parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis d'une bonne façon Allah les agrée et ils sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiallahu anhum, Allah est satisfait d'eux, wa radu anhu, et ils ont été satisfaits de lui. Donc ça c'est les salaf que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. Et quand on dit qu'on suit les salaf, bien entendu ça ne veut pas dire qu'on suit chacun des sahaba comme en tant qu'individu et qu'on croit que tout ce que chacun des sahaba a dit ou fait c'est une base dans l'islam ou c'est que c'est une révérence. C'est pas ça que ça signifie suivre les salaf. Suivre les salaf, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de suivre leur méthodologie, leur manière d'agir vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Donc par exemple, si on trouve que tous les sahaba ont été d'accord sur une chose, donc pour nous ça devient une sorte de consensus, ça devient une ijma. Ils ont tous été d'accord sur un point, il n'est pas permis pour ceux qui viennent après d'être en désaccord sur ce point. Mais si eux entre eux ont été en désaccord sur un point, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'Allah SWT nous ordonne de faire dans le Coran, c'est-à-dire, il dit, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا تتبع أولي croyants obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous avez une dispute ou une discorde sur quoi que ce soit, n'importe quel sujet quelconque, que ce soit une question qui est très vaste et grande, ou que ce soit un sujet qui est plus petit, eh bien, rapportez-le à Allah et à son messager. Et le rapporter à Allah, ça signifie le rapporter au livre d'Allah, le Coran, et le rapporter au messager, ça signifie d'aller lui demander durant sa vie, s'il est vivant, on lui demande la question, ou bien, après sa mort, de leur rapporter à sa sunnah les paroles et les actions et les choses qu'il a approuvées par son silence, al-iqrar. Donc, dans ce cas-là, ça, c'est ce qu'on appelle, yani, de rapporter les choses à Allah et à son messager. Donc, ça, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ça, de faire ça, rapporter à Allah et à son messager, c'est une condition. Parce qu'il dit, in kuntum tu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Si vous croyez vraiment en Allah et à son messager, vous devez faire ça. Donc, ça veut dire, si tu es croyant, tu dois faire ça. Donc, quand les sahaba sont en désaccord entre eux, c'est pas qu'on va prendre n'importe quel d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit, et puis on va le suivre. Non. On regarde ce qu'il a dit, et on compare ça avec les preuves. C'est-à-dire le Coran et la Sunna, et on regarde lequel d'entre eux est plus près de la vérité. Et c'est ce que les sahaba et les salaf ont fait. Les sahaba se réfutaient les uns les autres quand ils étaient en désaccord. Si un d'entre eux disait une chose et qu'un autre des sahaba entendait cette chose-là, eh bien il répondait, il disait non, il s'est trompé là-dessus. Et voici ce que j'ai entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et là il mentionnait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il clarifiait le point sur lequel les sahaba s'étaient trompés. Comme l'exemple du sahabi qui avait par exemple compris mal le Coran. Il avait lu le verset à propos du Ramadan. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Donc lui il avait compris que lorsqu'on devait continuer, on pouvait manger jusqu'à ce que Allah il dit jusqu'à ce que ce soit distingué la ligne blanche de la ligne noire de l'aube, c'est-à-dire le fil à l'horizon, ça fait comme un fil blanc de lumière. Mais lui ce sahabi, qu'est-ce qu'il avait compris? Il avait compris que tu prends une corde blanche et une corde noire, et là il la mettait sur son tapis, là, sur son oreiller, et puis il essayait de voir quand est-ce qu'il allait être capable de les distinguer les deux. Et lorsqu'il était capable de les distinguer les deux, il disait « Ah bon, ça y est là, je ne mange plus ». Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit « Non, c'est pas ça, ça veut dire le crépuscule, quand on voit la première ligne de lumière qui apparaît là, à l'horizon, ça on ne le voit pas dans les villes. On le voit seulement dans le désert ou dans les endroits vastes et dégagés. Il n'y a pas de lumière artificielle. Donc là, on le voit et c'est ça que, c'est un exemple que le sahaba, il peut se tromper. Hein? Il peut faire des erreurs. Il peut avoir des mauvais jugements. Donc, quand on dit qu'on les suit dans le bien, c'est-à-dire on les suit dans la vérité, c'est-à-dire dans sur ce quoi ils ont été tous d'accord, on les suit là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala » Ma umma ne va jamais s'unir sur quelque chose qui est un égarement. C'est-à-dire, s'ils sont unis sur une chose, c'est que ce n'est pas un égarement. Mais s'ils sont divisés sur quelque chose, c'est que s'il y a un point sur lequel ils sont en divergence, c'est qu'il y en a soit une position qui est correcte et une qui est fausse. D'accord ? S'ils sont en divergence là-dessus. Donc, là, comme le chien en somme, et comme beaucoup d'autres points, dans la religion aussi. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à comprendre parce que beaucoup de gens ont mal compris et ils pensent que, quand on dit qu'on suit les salafs, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on suit n'importe quel parmi les sahaba et qu'on suit ce qu'ils disent par rapport à d'autres. Ou, ils mélangent, ils ne comprennent pas comme il faut le concept de ce que ça signifie de suivre la compréhension des salafs. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par as-salaf. L'autre mot dans le titre, c'est al-mushabbiha. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ceux qui font ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui font ressembler la créature à Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui font ressembler Allah à sa créature, ou qui donnent des attributs de la créature à Allah, ou le contraire, qui donnent à Allah des attributs, ou qui donnent à la créature des attributs d'Allah. Et ce mot-là, mushabbiha, c'est un nom aussi que les gens de Bid'a donnent à ceux qui suivent la Sunna. Eux, ils appellent les gens de la Sunna mushabbiha. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous, étant donné qu'on a affirmé les attributs d'Allah, donc ils disent nous, on a fait ressembler Allah à sa créature. Et si vous entendez par exemple les paroles des Ahbash ou les paroles des Asha'ira, et de ces gens-là, ils vont vous dire « Ah, vous êtes des mushabbiha. Ah, le Wahhabi, Muhammad Abdul Wahhab, il est un mushabbi. » Pourquoi? Parce que pour eux, le fait qu'on dise que Allah est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'on a fait ressembler Allah à sa création. Donc, ils n'ont pas compris le concept yani des salaf. C'est-à-dire que même si on affirme les noms, ça ne veut pas dire qu'on dit que Allah ressemble à sa création. Parce qu'on a toujours compris que les sakamis ni shay. Sauf qu'on ne va pas nier le sens ou changer le sens de la tribu pour arriver à suivre leur passion. Donc ils appellent les gens qui suivent la sunna mushabbiha et ils nous appellent aussi mujassima. Mujassima, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de jism. Et ça veut dire donner un corps. Jism, c'est un corps. Donc ils appellent les gens qui suivent la sunna. Ils disent, ah, vous donnez un corps à Allah. Hein? Donc, ça, on va en parler après. Qu'est-ce que ça signifie? Comment on répond à ça? Donc, il y a ça. Et Al-Mu'abdillah, on a déjà expliqué que c'est ceux qui nient Allah subhanahu wa ta'ala ou ses noms directement ou indirectement. Donc, on va commencer à lire le texte. Qu'est-ce que le chef dit? Il dit, Al-Mu'harifuna al-manhaj al-salaf fi asma'illahi wa sifatihi ta'ifatan. Al-Mushabbiha wal-Mu'attila. Donc le chef il dit, ceux qui ont dévié de la voie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah sont deux groupes. Le premier groupe c'est Al-Mushabbiha et le deuxième groupe c'est Al-Mu'attila. Donc on va expliquer le premier, comme le chef il dit, Al-Mushabbiha wa ha'ula ishabbahu Allah bi khalqi wa ja'alu sifatahu min jinsi sifat al-makhluqin wa lizalika summu bil-Mushabbiha. وأول من قال هذه المقالة هو هشام بن الحكم الرافضي وبيان بن سمعان التميمي الذي تنتسب إليه البيانية من غالية الشيعة. فالمشبهة غلوا في إثبات الصفات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله مما لا يليق به سبحانه من صفات النقص. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن هؤلاء هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي. وقد نفى الله في كتابه مشابهته لخلقه ونهى عن ضرب الأمثال، فقال تعالى ليس كمثله شيء، وقال وهل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فمن شبه صفات الله بصفات خلقه لم يكن عبدا لله في الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن. Donc le chef il explique et il dit que Al-Mushabbiha, ce sont ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature et qui ont fait des attributs, qui ont fait des attributs d'Allah ou qui ont décrit ou qui ont fait et ont dit ou qui ont dit que les attributs d'Allah sont comme les attributs de sa créature. Et c'est pour cette raison-là qu'on les a appelés Mushabbiha, c'est-à-dire les gens qui font ressembler Allah à sa créature. Et la première personne qui a dit ça, ou qui a fait ça, c'est, parmi les musulmans, c'est Hisham ibn al-Hakam al-Rafidi, c'est-à-dire un gars qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam, et il était de la secte des Rafida, c'est-à-dire un des groupes des Shia. Et Al-Rafida, c'est le groupe le plus important parmi les Shia. On les appelle par plusieurs noms aussi. Par exemple, on les appelle Ja'fariya, ou Imamiya, ou Ifna Ashiriya. Ça, c'est les trois noms sur lesquels ils sont le plus connus. Quand vous allez voir des gens, par exemple, certains musulmans modernistes qui essaient de faire des excuses pour les Shia, surtout pour les Rafida, ils disent « Ah, ce sont des gens qui suivent le madhab Ja'fari ». Parce que parmi leurs ruses pour essayer de rapprocher les gens ou en fait convertir les gens ou convertir les musulmans qui sont sunnites pour les convertir aux Shia, ils essaient de dire qu'en réalité il n'y a pas une vraie différence entre les sunnites et les Shia et que c'est comme un mazhab parmi les quatre mazahib, comme par exemple c'est comme Maliki, Shafi'i, Hanbali et Hanafi. Donc étant donné que c'est juste une différence sur le plan du fiqh et des différences dans les furu', donc dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui peut faire que on doit se diviser. On doit être unis ensemble et on doit s'allier. Et les sunnites peuvent devenir shia, donc il n'y a pas de problème. De toute façon, toutefois, c'est une sorte de taqiyya qu'ils utilisent parce que ça fait partie de leur religion. Taqiyya, c'est protection, mais dans le sens à eux, là, comme ils l'utilisent, eux, c'est plutôt une forme de nifaq, qu'ils utilisent, une sorte d'hypocrisie. C'est-à-dire, ils se montrent aux sunnites, comme s'ils sont avec nous, comme s'ils sont d'accord avec ce qu'on dit, mais au fond d'eux, ils croient que ce qu'on fait et ce qu'on croit est faux, contraire à l'islam. D'accord? Ils croient que ce qu'on dit et ce qu'on croit, c'est contraire à l'islam. Donc, comme j'expliquais, c'est que ces gens-là, si c'était vrai ce qu'ils disent, ok, si c'était vrai que c'était juste une question de fiqh ou de madhab, alors il n'y aurait pas de problème réel entre les sunnites et les shia, puisqu'il n'y a pas de problème entre nous les sunnites, peu importe quel madhab on suit. Et il y a plusieurs des imams de Ahl-Sunnah al-Jama'a qui suivaient un madhab à un certain moment donné, et qui ont changé de madhab par la suite. Par exemple, Ibn Abil, je pense que c'était l'imam al-Tahawi, il était Shafi'i, et il était le neveu d'un des proches compagnons de l'imam al-Shafi'i. Et en fait, il s'appelait al-Muzani, son nom. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était Shafi'i, il a étudié le madhab Shafi'i. Puis par la suite, il a décidé d'étudier le madhab Hanafi. Donc il est devenu Hanafi. Mais il n'y a jamais personne parmi les ulama de l'islam qui ont dit, ah, il a quitté son madhab, il est allé dans un autre, ah ça c'est quelque chose pas correct. Il n'y a jamais personne qui a critiqué. Ni les Shafi'i ne l'ont pas critiqué, ni les Hanafi ne l'ont pas critiqué, d'accord? Non, Ja'far al-Sadiq, c'est pas un chien. C'est pas seulement Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq, c'est un des 12, parmi les 12 qu'ils adorent, et qu'ils prétendent qu'il était un wali, un imam parmi les A'imma, mais en réalité, il était un des descendants de Ali, radiallahu anhu, et il n'était pas d'accord avec les Shia. les Shia, c'est des gens, ils vivent dans leurs rêves, en réalité, dans leur aqida. Ils n'ont pas jamais réussi à mettre au pouvoir aucun de leurs imams. D'accord? Il n'y a aucun des imams de Ithna Ashriya, c'est-à-dire des 12 parmi les sectes des Rafidahs, il n'y en a aucun d'entre eux que leur imam était au pouvoir réellement khalifa des musulmans, ou qu'il dirigeait quelque chose du pouvoir, il y en a dans l'État islamique ou dans le pays musulman, à aucune époque. Ils ont toujours vécu, il y en a, à l'écart. Ouais. Et ils ont inventé pour leurs imams un pouvoir, il y en a qui est un peu abstrait si on veut, c'est-à-dire qu'ils ont dit que les imams, même s'ils n'est pas au pouvoir politique, ils contrôlent l'univers et tous les atomes de la création. Et ils croient que ces 12 imams-là existaient même avant la création de leur corps, et qu'ils étaient des lumières qui tournaient autour du trône d'Allah SWT, et qu'ils sont des êtres parfaits et infaillibles, et qu'ils ont la connaissance de tout, okay, et que le monde ne peut pas rester en état ou en ordre sans que ces imams-là soient présents pour contrôler, ou qu'il y ait au moins un des imams qui soit en pouvoir. Et actuellement, ils disent que c'est, je pense, c'est l'imam Mahdi, celui qu'ils attendent là. Il y a 1200 ans, ils ont dit que Muhammad al-Akkari, je pense que c'était le 11e imam qu'ils ont décerné, ils ont dit que celui-là a eu un enfant. Et cet enfant est entré en état de Reibouba, ou invisibilité. Et il est maintenant, il existe actuellement, mais il est occulte, c'est-à-dire il est devenu invisible, on ne peut pas le voir, mais c'est lui qui contrôle l'univers actuellement. Là. Donc moi je dis, subhanallah, pourquoi on croit en Allah et on croit que c'est lui qui contrôle l'univers, si il y a un imam qui est en train de contrôler le monde. Hein? C'est un peu aussi comme, je suis en train de lire le livre du cheikh Ahmed Lo, et eux aussi la même chose, Soufia, ils ont l'idée que le wali, yani, c'est eux qui contrôlent l'univers. Ils ont divisé les walis en degrés là, et il y a le plus haut là, c'est le Qutb, le Rey, et c'est lui là, je crois que lui, c'est lui qui contrôle l'univers. Ah, subhanallah, c'est incroyable. Il y en a certains qui sont vivants, il y en a d'autres qui sont morts. En tout cas, je suis pas terminé le chapitre là, mais c'est juste un exemple pour vous expliquer parce que le frère m'a mentionné Ja'far al-Sadiq, et eux ils disent que Ja'far al-Sadiq, que Abu Hanifa avait étudié avec Ja'far al-Sadiq, et que donc Abu Hanifa avait étudié avec Ja'far al-Sadiq, et donc pour eux c'est une preuve que yani, il était chiite, alors que non, yani, subhanallah, Abu Hanifa n'était pas chiite, et puis même Ja'far al-Sadiq n'était pas chiite, même Ali ibn Abi Talib n'était pas chiite. Même Fatima, même Hassan al-Hussein, aucun d'entre eux n'était chiite. Non, Abdullah ibn Sabah, c'est lui le premier, il venait du Yémen. Non, Yahoudi, c'est un juif, il a prétendu qu'il était devenu musulman. Non. Ouais. Il y a un cheikh qui a écrit un livre justement pour expliquer les ressemblances entre les Shia et les Juifs. Il y a un livre là-dessus. Donc, ouais, le Mahdi que nous on croit à le Sunna, c'est pas du tout la même croyance que Shia et Ami. En ce qui concerne le Sunna, on ne dit pas qu'il ne dit jamais et qu'il existe en état d'invisibilité, mais on dit que, il va venir vers la fin des temps. C'est un des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va diriger les musulmans, il va établir la justice dans le monde. Et puis, mais c'est seulement un homme que Allah va guider, qui va être bien guidé. C'est ce que ça signifie, Al-Mahdi. Al-Mahdi, c'est celui qui est guidé, qui est bien guidé. Donc Allah il va le guider d'une certaine façon et il va être capable d'établir la justice. Et Isa alayhi salam, Jésus, quand il va revenir, il va prier derrière lui. Il va prier derrière l'imam Mahdi. Hein? Et l'imam Mahdi va lui dire, il va lui demander, vas-y, dirige la prière pour nous. Et lui, l'imam Mahdi, Isa, il va dire non. On est tous sur la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je ne suis pas dans mon temps là. C'est-à-dire, maintenant, mon temps est passé. Moi, Isa, il vient seulement compléter sa vie. Donc, c'est pas là que, c'était juste pour expliquer que, avant que Bayani, ils essaient de faire croire aux gens de la Sunna que, ils font juste une différence sur la différence de prier. Par exemple, ils mettent leurs mains comme ça au lieu de mettre leurs mains comme ça, ou bien parce qu'ils mettent une pierre, ou des choses comme ça. Ils essaient de faire croire que, par exemple, ils font le mut'a, c'est-à-dire ils se marient, les mariages de jouissance, mariage avec divorce, préparé à l'avance, c'est-à-dire tu te maries pour 2 semaines ou 2 mois ou je sais pas quoi. Donc ça c'est haram bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, mais eux ils essaient de faire passer ça comme une divergence sur le fiqh, alors qu'en réalité c'est une divergence dans les fondements même de l'islam, c'est-à-dire qu'ils associent à Allah les imams, comme on a dit, ils donnent aux imams des attributs d'Allah, et ils donnent à Allah yani, des attributs humains. Et en même temps aussi, ils vénèrent les gens de Ahlul Bayt d'une façon exagérée. Parce que nous, Ahlul Sunnah, on aime Ahlul Bayt, c'est-à-dire on aime les gens de la maison du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses femmes. Eux, ils nient les femmes du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent qu'elles ne font pas partie de Ahlul Bayt. Alors que, yani, Ahlul Bayt, les femmes, ont toujours fait partie de Ahlul Bayt d'une personne. Eux, ils nient ça. Aussi, il y a le fait qu'ils insultent les Sahaba. Yani Abu Bakr, Othman, Ali, tout. Ils les insultent. Pas seulement Abu Bakr, Othman. Non. Non, mais il n'y a pas seulement eux. Il y a d'autres Sahaba que eux, ils insultent à part Abu Bakr, Omar et Othman. Ali, ils ne l'insultent pas, ils l'adorent. Ils le prennent comme un dieu, donc ils ne vont pas l'insulter. Quoi d'autre encore? Subhanallah, parmi leurs croyances, ils croient que le Coran qu'on a actuellement, ce n'est pas le vrai Coran. Ils ont dit que ce Coran-là qu'on a maintenant, là, ce n'est pas le vrai Coran que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu. Le vrai Coran, ils ont dit que il a été gardé par Ali, radiallahu anhu, et puis qu'il a été transmis, donné à Fatima, puis elle l'a préservé, et que c'est seulement quand l'imam Mahdi va revenir qu'ils vont le faire sortir. D'accord? Et, yani, subhanallah, ça c'est écrit dans leur livre. C'est écrit dans leur livre. Et si, bien entendu, si tu vas demander à un chiite, là, dans la rue, ou n'importe où, là, est-ce que vous avez le même Coran que nous? Ouais, regarde, le même Coran. Oui, c'est bien entendu. Parce que la plupart des chiites, premièrement, ils connaissent même pas les réelles croyances de leur religion, ou de leur madhhab, ou leur aqida, ils ne le connaissent pas. Soit parce qu'ils n'ont pas étudié, ou bien parce qu'ils font taqiyya, c'est-à-dire ils camouflent leurs réelles croyances, ils font croire aux sunnites qu'ils sont d'accord avec eux alors qu'ils ne le sont pas. Et troisièmement, yani, c'est une chose qui est écrite dans leur livre, lesquels ils ont parlé dans leur livre, et beaucoup d'entre eux ne sont pas au courant de ces croyances-là. Voilà. Donc ça, c'est des raisons aussi. Puis il y a d'autres points sur lesquels on pourrait parler. Toutes les autres, beaucoup des bid'a qui sont pratiquées actuellement parmi les gens de la Sunna, parmi les sunnites, eh ben, elles viennent de l'origine des chiites. Soufia, il y a un lien très, très clair entre les soufia et les chiites aussi. Les deux là, ils ont des origines communes. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était juste pour faire un commentaire en passant. Donc, c'était le premier parmi les musulmans qui a fait ce bid'a de tashbih, c'était un homme qui s'appelait Hisham ibn al-Hakam, et un autre qui s'appelait Bayan ibn Sam'an. At-Tamimi. Et c'est à lui que ça est attribué le groupe extrémiste des Shia qu'on appelle Al-Bayaniya. Parce qu'il y a différents groupes de Shia. D'accord? Et chaque groupe, ils ont des divergences entre eux. Et donc, il y en a un parmi ces groupes-là qui s'appelle Al-Bayaniya. Et c'était à lui, c'était attribué à Bayan al-Musam'an et Hisham al-Hakim. Donc, eux, ils ont exagéré dans l'affirmation des attributs. Ils ont affirmé au point de dire qu'elles sont pareilles à celles de la création. Et ils ont fait même entrer dans ça ce que Allah et son messager ont nié. Ce qu'Allah et son messager ont nié à propos d'Allah, eux, ils l'ont affirmé à Allah. Parmi les choses qui ne font, qui représentent une sorte d'imperfection même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah soit élevé au-dessus de toutes ces imperfections. Le chef dit ça, et après il dit, et parmi eux aussi, il y avait un autre qui s'appelait Hisham ibn Salim al-Jawaliqi et Daoud al-Jawaribi. Et après le chef il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié dans son livre que quoi que ce soit de sa création lui ressemble. Et il a interdit de donner des exemples pour comparer Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit, hal ta'lamu lahu samiya, est-ce que vous connaissez quelque chose, quoi que ce soit qui soit égal à Allah ou semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il pose cette question pour nier en fait, pour le nier. C'est comme on appelle su'alun inkari ou istifhamun inkari. Allah subhanahu wa ta'ala, il nie ça en posant la question, voulant dire, il n'y en a pas de famille, il n'y a pas de rien qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, ça c'est dans Surat al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tout le monde connaît ce verset. Donc ça veut dire, il n'y a aucun kufu pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est équivalent ou comparable à Allah subhanahu wa ta'ala, ou égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dans une ayah, dans Surat al-Nahl, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, ne faites pas des analogies avec Allah subhanahu wa ta'ala et Allah et sa création. D'accord, il n'y a rien qui peut lui ressembler et qui lui ressemble. Alors le cheikh il dit, فَمَنْ شَبَّهِ صِفَاتُ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ لَمْ يَكُنْ عَبِدًا لِلَّهِ فِي الْحَقِيقَةِ. Donc celui qui fait ressembler Allah à sa créature, en réalité, il n'adore pas Allah. Qu'est-ce qu'il adore? C'est qu'il adore en fait une idole qu'il a imaginée dans son esprit, et c'est ça qu'il adore, au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est créé une sorte de Dieu abstrait dans sa tête, et il l'imagine de cette façon-là, et c'est ça qu'il adore au lieu d'adorer Allah. Hein? Donc c'est pour ça que le fait de faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, c'est une forme, yani, de shirk. Et innama ya'budu watanad sawwarahu khayaluhu. Et donc, il adore les idoles. Et c'est pour ça que le cheikh Al-Allama Ibn Qayyim Al-Jawziya, il dit, « Lasna nushabbihu wasfahu bisifatina, inna al-mushabbiha abidu al-awthani. » Et exactement, c'est ça qu'il dit en poème, en poésie, le cheikh Ibn Qayyim, dans son livre Al-Mumiya, qui a 6000 vers, et dans lequel il récite les gens de Bid'a, parmi les Jahmiya et les autres, et il dit, et nous on ne fait pas ressembler à Allah et ses attributs, on ne fait pas ressembler la création dans leurs attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait ressembler Allah à sa création, eh bien il adore en réalité une idole. Après le cheikh il dit, وَمَنْ شَبَّهَ صِفَاتُ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ فَهُوَ مُشَبِّهٌ لِلنَّصَارَى وَالَّذِينَ يَعْبُدُونَ فَهُوَ مُشَبِّهٌ لِلنَّصَارَى الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. يقول العلامة ابن القيم, مَنْ مَثَّلَ اللَّهُ الْعَظِيمَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ النَّسِيبُ لِمُشْرِكٍ نَصْرَانِ. Donc, le cheikh il dit, celui qui a fait ressembler Allah à sa créature, il ressemble aux chrétiens qui ont adoré Jésus, le fils de Marie. Parce que le cheikh, il dit, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit ensuite, dans un autre vers, celui qui fait Allah ressembler à sa création, il est comparable ou pareil à l'idolâtre chrétien qui a fait Allah ressembler à Isa ou qui a dit que Allah c'est Isa. ومن قال نعيم بن حماد ونعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن نفى ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه او وصف به رسوله تشبيه. Donc le cheikh Al-Fawzan il mentionne les paroles de Nu'aym ibn Hammad. Et Nu'aym ibn Hammad c'était le cheikh de l'imam Al-Bukhari, c'est-à-dire un de ses chouyours. L'imam Al-Bukhari il a eu plus qu'un millier de cheikhs, et parmi ces chouyours là il y a eu Nu'aym ibn Hammad. Et Nu'aym ibn Hammad donc c'était un des grands ulama parmi les grands avant l'imam al-Bukhari, et il a enseigné à l'imam al-Bukhari. Donc si on connaît la position de l'imam al-Bukhari dans l'ilm, donc on peut imaginer un peu la position de Nu'aym ibn Hammad. Donc qu'est-ce qu'il a dit Nu'aym ibn Hammad rahimahullah? Il a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa création, il a mécru, faqad kafar. Et celui qui a nié ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué, il a fait kafar, il a mécru. Wa laysa fima wasafa Allah bihi nafsah aw wasafahu bihi rasulah tashbih. Il n'y a aucune ressemblance dans ce qu'Allah et son messager ont affirmé au sujet des attributs divins. Donc ça veut dire que là on voit que le cheikh rahimullah Nu'aym ibn Hammad mashallah, il a affirmé la règle de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. C'est-à-dire, on affirme sans faire de tashbih, et on nie sans faire de ta'til. Hein? Donc, sans nier l'attribut. C'est-à-dire, on nie les imperfections, on rejette les imperfections, sans nier l'attribut elle-même. Donc, le chef, il a dit ça clairement. Donc, alhamdulillah. Ensuite, le cheikh, il passe au deuxième groupe, c'est-à-dire, al-mu'attila. Et il dit, wa ha'ula nafa'u anillah ma wasafa Allahu, ou ma wasafa bihi nafsa. Donc, le cheikh, il explique maintenant al-mu'attila. Il dit, ha'ula nafa'u anillah ma wasafa bihi nafsa, ou wasafa bihi rasuluhu, min sifat al-kamal, za'imina anna isbataha يقتضي التشبيه والتجسيم فهو على طرفي نقيض مع المشبهة. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nié ce qu'Allah a affirmé à son sujet, ainsi que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué d'attributs de perfection, pensant en faisant cela que le fait d'attribuer à Allah les attributs qu'il s'est donné à lui-même et le prophète, c'est-à-dire les attributs que le prophète a donné à Allah, il croit que ça implique une forme de ressemblance ou le fait de donner un corps à Allah. Donc eux, ils sont dans l'extrême opposé au mushabbiha. Ils sont dans l'autre extrême du mushabbiha. Et le cheikh dit, « وَمَذْهَبُ التَّعْطِيلِ مَأْخُوذٌ مِنْ تَلَامِيذِ الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِينَ » وضلال الصابئين. Donc le cheikh il dit que cette voie de ta'til elle vient en réalité des juifs et des juifs, des élèves des juifs et des mushrikines et des sabi'in, les adorateurs des étoiles, c'est-à-dire les grecs de l'antiquité qui adoraient les étoiles et qui représentaient les idoles, les étoiles par des idoles sur la terre, pour les adorer, on les appelle as-sabi'a ou as-sabi'in. Allah il parle d'eux dans le Coran. Après, le cheikh Abbad al-Nujum الذين يعبدون النجوم والآلهة يعني يؤلهون النجوم والكواكب. Donc le Cheikh il dit وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وأخذ هذا المذهب الخبيث عنه الجهم بن صفوان وأظهره وإليه نسبت الجهمية ثم انتقل هذا المذهب إلى المعتزلة والأشاعرة وهذه أسانيد مذهبهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة وهم في هذا التعطيل متفاوتون فالجهمية ينفون الأسماء والصفات والمعتزلة يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها وينفون الصفات والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات فقط وهي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وينفون بقية الصفات. Donc le Cheikh il dit la première personne de qui on a appris ou qu'on a que l'histoire a enregistré qu'elle avait parlé de cette forme de bid'a, c'est-à-dire de la négation des noms et des attributs d'Allah dans l'islam, c'est une personne qui s'appelait Al-Jahd ibn Dirham, qui est venu au début du deuxième sens, yani du deuxième siècle. Et il a pris cette voie de la personne, il a pris des juifs et des philosophes grecs. Et la personne, mais c'est pas lui qui l'a répandu, c'est pas lui qui a fait la propagation de cette idée. Lui, il a pas été très actif dans la propagation de cette aqida. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné à certaines personnes, et c'est ses élèves qui l'ont propagé, parmi eux, Al-Jahd ibn Dirham, Al-Jahd ibn Safwan. C'est Al-Jahd ibn Safwan qui a été le plus actif à faire propager ces croyances-là, et c'est pour ça qu'on appelle cette secte Al-Jahmiya. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Jahmiya. Et après le chef, il dit ensuite, cette aqida, elle a été transmise par la suite, elle s'est en allée au Mu'tazila, puis ensuite au Asha'ira, et ça c'est la chaîne de transmission de cette aqida. Elle vient des juifs, ensuite des sabi'in, c'est-à-dire les adorateurs des philosophes grecs ou de ceux qui adoraient les étoiles parmi les grecs, puis des mouchrikin, les idolâtres et les philosophes. Et eux, ces gens-là, c'est-à-dire les Mu'tazila, les Sha'ira et les Jahmiya, ils sont tous dans des degrés différents de ta'til. Chacun, ils ont des degrés différents de ta'til. Ok? Le premier, c'est Al-Jahmiya, et ça, c'est le groupe le plus extrême. Et la plupart des ulama de Salaf, qui vivaient à leur époque, les ont déclarés comme étant des kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont nié les noms et les attributs d'Allah en entier. Et ils ont dit que, yani, ceux-là sont des kuffars. Ensuite, il y a un autre degré qui est le degré des Mu'tazila. Et c'est un degré qui est un peu moins grave que celui des Jahmiya. Pourquoi? Parce que eux, ils ont affirmé les noms d'Allah en niant leur sens, en niant leur définition, et ils ont par contre nié toutes les attributs d'Allah. Et donc, les ulama d'Ahl-Sunnah, ils ont dit que Al-Jahmiya sont des kuffars, parce qu'ils ont nié les noms et les attributs. Donc ça revient à nier l'existence d'Allah en entier. Tandis que Al-Mu'tazila, ils ne les ont pas déclarés kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que même s'ils ont nié les noms, même s'ils ont nié les attributs, le fait qu'ils aient affirmé les noms, ça implique l'attribut elle-même. Parce que dans les noms, il y a l'attribut. Et là, dans le nom, qu'est-ce qui représente l'attribut dans le nom? C'est la signification du nom. Tu vois? C'est comme par exemple quand tu dis que Allah est As-Sami', celui qui entend tout. Eh bien, dans le nom de As-Sami', il y a la signification qui veut dire le fait d'entendre. Et ça, c'est l'attribut, As-Sam', D'accord? Donc les ulama, ils ont dit, bon, même s'ils ont nié la tribu, on va dire, on va pas, on peut pas dire qu'ils sont coupables parce qu'ils ont quand même affirmé le nom. Ils ont pas fait comme l'autre groupe de Al-Jahmiyyah. Mais par contre, ils ont quand même expliqué que ce sont des gens qui font partie de Ahlul Bid'ah et que ce sont des gens dangereux en ce qui concerne l'Aqida. Parce que, à part des noms et des attributs d'Allah, ils ont beaucoup d'autres Bid'ah qui sont reliés à l'Aqida, autre que Al-Asma wa Sifat. Nous, maintenant, on est en train d'expliquer ce point-là, mais il faut pas penser que ces Bid'ah-là ou ces groupes-là, ils se limitaient seulement à parler des Asma wa Sifat. Ils ont des problèmes avec la prédestination. Ils ont des problèmes avec le tawhid, à l'ibadah, et ils ont des problèmes avec d'autres aspects de la croyance aussi. Mais vous voyez que la fitna, la plus grosse partie de la fitna qu'ils ont créée avait rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ses noms et ses attributs. Donc les ulama se sont concentrés sur celle-là, hein, en particulier. Mais ils ont en même temps aussi réfuté ces groupes-là sur les autres points, en même temps. D'accord? Et il y a un point que je voulais mentionner sur Al-Mu'tazila en passant aussi, c'est que lorsque vous allez lire les livres des Occidentaux, les Orientalistes, alaykoum salam wa rahmatullah, ou bien les livres de certains penseurs musulmans, ou certains conférenciers là, qui sont populaires de nos jours, ils parlent des Mu'tazila et ils les glorifient d'une certaine façon, en disant que c'était des gens qui était très philosophe et qui avait une grande rationalité et qu'ils ont yani, donc ils les glorifient d'une certaine façon, comme ils les représentent comme étant ceux qui ont amené les précurseurs de la pensée libre. Ils les montrent comme étant des libres penseurs. Ils les comparent un peu à Voltaire et à Jean-Jacques Rousseau et les penseurs de la lumière là dans la période qu'ils appellent la période de lumière qui est en réalité la période d'obscurité en réalité là parce que ça c'est zulumat yani ba'daha fawqa ba'd yani une par dessus l'autre donc al-Mawardi oui il était mu'tazili. Et un des principes des Mu'tazila, autre que la question des noms et des attributs, c'est al-khuruj ala al-hukam. C'est-à-dire de prendre les armes contre les dirigeants s'ils font de l'injustice. Eux, leur principe, c'est que si tu vois le dirigeant qui fait une forme d'injustice, tu dois te révolter contre le dirigeant et le renverser. Ça fait partie de leur principe. Et ça, c'est un des principes. Les Khawarij, ils ont ça aussi, mais les Khawarij viennent avant. Les Khawarij, mais eux, ils ont été d'accord avec les Khawarij sur ce point-là. Et ils sont aussi d'accord avec les Khawarij sur le point que celui qui fait des grands péchés parmi les musulmans va être éternellement dans l'enfer. Il n'a pas de possibilité de sortir. Hein? Donc ça, c'est un autre point sur lequel ils sont en accord avec les Khawarij. Mais en général, les ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils ont expliqué que toutes les bid'a sont des Khawarij. Tous les gens de Bid'a sont des Khawarij. Et ils disent tous, en général, qu'on doit prendre l'épée contre les dirigeants, contre le gouvernement. Ils se concentrent là-dessus parce que, étant donné qu'ils veulent voir, ils n'ont pas d'argument du Coran et de la Sunna pour défendre leurs idées, alors ils sont obligés de l'implémenter par la force. Et la seule façon de pouvoir l'implémenter par la force, c'est d'avoir le pouvoir politique. Et donc ça c'est une des manières qu'ils utilisent pour arriver au pouvoir, c'est de renverser les gouvernements et de faire la fitna dans le pays pour arriver à prendre le pouvoir. Donc ça c'est peut-être une des façons qu'on peut comprendre pourquoi ils sont si violents ou pourquoi ils contredisent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent d'endurer et d'être patient vis-à-vis des dirigeants injustes. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que si vous lisez un livre là dans lequel on glorifie les Mu'tazila ou on parle d'eux comme étant des penseurs libres ou des gens qui avaient essayé d'ouvrir la porte de la pensée ou je sais pas quoi là, des exemples de ce genre, alors vous allez savoir que ce sont des dhullal, des gens égarés qui essaient de glorifier les gens de Bid'ah. Et une fois il y avait Tariq Ramadan qui était venu à Montréal. Et il y a une femme marocaine qui était dans l'assistance, elle n'était pas voilée, rien. et elle s'est levée et elle a critiqué le fait que les hommes étaient séparés des femmes dans la salle. Et elle a dit, on est au Canada ici, donc elle s'adressait à Tariq Ramadan et elle disait, vous êtes au Canada et vous faites l'éloge de la citoyenneté canadienne et je vois que vous avez séparé les hommes et les femmes, alors pourquoi vous avez fait ça, hein? Et qu'est-ce que vous pensez des Mu'tazila? Alors, subhanallah, on voit que c'est comme si elle demandait, je ne sais pas pourquoi, elle demandait sur les Mu'tazila en même temps qu'elle posait cette question-là. Mais c'est comme si il y a beaucoup de musulmans qui croient que il y a plusieurs sectes dans l'islam ou plusieurs tendances et que c'est comme une sorte de libre choix. C'est-à-dire, un musulman peut choisir parmi n'importe quelle de ces sectes et puis il est correct. Oui, tout en restant musulman. Si tu vois que par exemple un certain groupe par exemple est trop strict, est trop ferme et trop dur, là tu diras ça, c'est des gens là, ils sont un peu trop extrémistes. Donc moi je vais aller vers les gens qui sont plus ouverts, plus libérales, plus modérés, et puis là il prend une secte qui est complètement en dehors de la sunna, et ils disent oui, mais ils sont des musulmans, et puis donc étant donné qu'ils sont musulmans, on doit les accepter, on ne doit pas les critiquer, et ce sont nos frères. Il y a beaucoup de gens musulmans qui... un islam sur mesure, tu choisis à ta mesure comme un bazar, hein. L'islam, c'est comme un souk, hein, sur ce genre-là. Donc, yani, subhanallah, al-musta'an, les ulama d'Ahl al-Sunna al-Jama'a, depuis le début des premiers siècles, lorsque ces bid'a'a sont arrivés, ils ont commencé à les réciter et à répondre à leurs égarements et à expliquer que il y a l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a amené et c'est cet islam qu'on doit suivre. Et l'islam que les sahaba suivaient, c'est ça le vrai islam. Tout islam qui est en désaccord avec ce que les sahaba nous ont apporté, eh bien, on voit que automatiquement c'est une forme d'égarement du droit chemin, hein. Donc, il y a ça, et la femme avait posé cette question, et Tariq Ramadan, c'est comme si, subhanallah, il n'avait pas voulu répondre clairement en expliquant que le groupe, ces groupes-là étaient des groupes de gens égarés, déviés de la sunnah. C'est comme si il essaie de philosopher en répondant à la question. Donc moi, j'avais pas aimé ça, et j'avais répondu à Tariq Ramadan à ce sujet-là. Mais de toute façon, aujourd'hui, on est au courant de choses qu'il a dit qui sont encore pires, c'est ça. Donc, il y a un Allah Mustaan. Ensuite, il y a le groupe des Asha'ira. Et on en a parlé beaucoup. C'est un groupe qui est à un degré encore un peu plus bas, c'est-à-dire moins, par rapport aux Jahmiyyah, hein, ils sont moins égarés, c'est-à-dire parce que eux, ils ont, et par rapport aux Jahmiyyah, ils sont moins égarés, par rapport aux Mu'tazila, ils sont encore un peu moins égarés. Pourquoi? Parce que eux, en plus d'affirmer les noms d'Allah, ils ont affirmé au moins 7 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, 7 attributs, c'est quand même mieux que rien du tout. Par rapport aux Mu'tazila, ils ont affirmé aucune. Al-Asha'ira, ils ont fait un petit effort, ils ont quand même affirmé 7. Et ça, on sait aussi que, yani, c'est une bid'a ça aussi, puisque pourquoi en affirmer 7 et pas affirmer les autres? Ça, c'est une sorte de contradiction. S'ils ont été capables d'en affirmer 7, ils sont capables d'affirmer le reste. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il explique, il dit que parmi ces 7-là, il y avait al-ilm, la connaissance, la vie, al-qudra, la puissance, al-irada, la volonté, al-sam', l'ouïe, al-basar, la vue, al-kalam, la parole. Et les autres attributs, il les nie. Mais il ne nie pas ouvertement comme ça en disant non, on n'y croit pas ou ils n'existent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le ta'wil. C'est-à-dire, ils disent, ouais, ils traversent le sens ou ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est des paroles, mais elles n'ont aucun sens. D'accord? Donc le cheikh dit shubhatu jami' fi ma nafawhu min as-sifat. أن إثباتها يقتضي التشبيه والتجسيم بزعمهم لأنه لا يشاهد موصوف إلا هذه لا يشاهد موصوف بها إلا هذه الأجسام والله ليس كمثله شيء فتعيين نفس الصفات وتعطيلها تنزيها لله عن التشبيه بزعمهم ويعني فتعين نفس الصفات وتعطيلها تنزيها لله عن التشبيه بزعمهم ولهذا يسمون من أثبتها مشبها. Donc le cheikh il dit, et leur shubha, c'est-à-dire leur fausse, l'argument qu'ils utilisent, mais qui est en réalité un faux argument, pour essayer de nier les attributs, c'est que de dire que celui qui les affirme, eh bien, quand il les affirme, c'est comme s'il fait ressembler Allah à sa création, ou que de dire que Allah a un corps. Et c'est et parce que, ils disent parce que la plupart, ou tous les corps, toutes les choses qu'on observe, qui possèdent ces attributs-là, sont des corps. Hein? Sont des corps. Donc, si tu l'utilises pour décrire Allah, c'est comme si tu décris un corps. Et donc ça, il y a, comme Allah il dit, laïsa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, c'est comme si tu fais ressembler à la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut nier ces attributs-là. Il faut purifier Allah de cette ressemblance, selon leurs idées à eux. Et ils croient que toute personne qui affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est un mushabbih. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait Allah ressembler à sa création. Et le cheikh, ensuite, il va commencer à répondre à comment il va nous dire comment on fait pour. Ouais, non. Premièrement, il explique la position de ces gens-là vis-à-vis des versets et des hadiths qui affirment ces attributs-là. Le cheikh il dit وَوَقَفُوا مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّ عَلَى إِثْبَاتِهَا مَوْقِفَيْنِ الْمَوْقِفُ الْأَوَّلُ الْإِيمَانُ بِأَلْفَاظِهَا وَتَفْوِيدِ مَعَانِيهَا بأن يسكتوا عن تفسيرها ويفوضوه إلى الله مع نفي دلالتها على شيء من الصفات وسموا هذه الطريقة طريقة السلف وقالوا هي الأسلم والموقف الثاني صرف هذه النصوص عن مدلولها إلى معان ابتدعوها وهذا ما يسمونه طريقة التأويل ويسمونه أو يسموه أو وسموه طريقة الخلف وقالوا هي الأعلم والأحكم سبحان الله. Donc le cheikh il dit ils ont eu deux positions vis-à-vis les hadiths et les ayats et les hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Ils se sont placés de deux positions. La première position c'est de croire en de croire aux mots, c'est-à-dire de croire aux mots tels quels, qui sont, mais de nier leur définition et leur signification. C'est-à-dire de dire, on ne sait pas qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Ok? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yad, on ne sait pas qu'est-ce que yad veut dire. Et puis après, yani, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, c'est-à-dire ils ne l'interprètent pas, ils ne l'expliquent pas. Et ils disent, c'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ça veut dire. Et il nie que ce soit une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nie que ce soit une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils appellent cette voie, cette méthode qu'ils ont inventée, ils disent que ça c'est la voie des salafs. Yani, ils ont attribué aux salafs quelque chose dont les salafs sont innocents. Yani. Les salafs n'ont jamais utilisé ça, n'ont jamais dit ça non plus. N'ont jamais nié le sens des attributs d'Allah. Donc c'est une forme de mensonge à propos des salafs. Hein? Et la deuxième position qu'ils ont adoptée, c'est la position de faire sortir les textes de leur sens en leur donnant une signification qu'ils ont inventée eux-mêmes. Par exemple, ils vont dire par exemple la main d'Allah, ils vont dire non, la main d'Allah ça veut dire sa force ou sa miséricorde ou sa grâce. Et puis si tu leur dis par exemple quand Allah il dit قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء, le prophète a dit les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts d'Allah et il les fait tourner comme il veut. Hein? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait tout le temps, dans un dua, Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui fait tourner les cœurs, garde mon cœur fermement accroché à ta religion. Donc il faisait cette invocation-là à Allah constamment. Ya muqallib al-qulub, tabbit qalbi ala dinik. Donc, pourquoi? Parce que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre deux doigts, des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, eux, ils vont dire, ah non, le doigt, ça ne veut pas dire le doigt. Ça veut dire, une autre attribut, un autre mot là qu'ils ont inventé. J'ai pas la référence exacte l'interprétation qu'ils donnent à ça. Mais, soyez certains qu'ils le déforment pour lui donner un sens autre que ce sens. D'accord. Et ils ont appelé cette voie du ta'wil, ils l'ont appelée la voie des khalaf. L'autre, ils ont dit que c'est le ta'wil, ils ont dit que c'est la voie des salaf, et la voie du ta'wil, ils disent que c'est la voie des khalaf. Alors khalaf, c'est qui? C'est ceux qui sont venus après les salaf. Et ils ont dit, la première, qu'on a mentionné, tafwir, ceux qui nient l'essence de l'attribut, eux, ils ont dit que ça, c'est la voie des salaf et elle est moins compliquée ou plus sauf. C'est-à-dire, quand tu prends la voie des salaf, ben, tu vas être préservé de beaucoup de choses parce que c'est comme si tu nies quelque chose, c'est comme par exemple, il y a deux positions, et puis toi tu veux pas être ni pour un ni pour l'autre, alors tu prends la neutralité. Et là tu te dis, ah moi je suis ni avec ça ni avec ça, je suis avec personne. Donc ça c'est, ils disent ça c'est aflam. Ça veut dire que quand tu prends cette voie là, t'es sauvé, là t'es plus en paix. Puis l'autre voie, ta'wil, ils ont dit ça c'est la voie des khalaf, ceux qui sont venus après les salaf, et ils disent que cette voie là elle est a'lam wa ahkam, c'est-à-dire elle est plus basée sur la science et elle est plus sage. Donc c'est comme si en disant ça en même temps ils insultent les salaf, parce que eux ils disent que les salaf, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et les autres, eux ils étaient occupés avec le jihad, avec le ilm, avec d'autres choses, ils n'avaient pas le temps de penser à toutes sortes d'interprétations différentes des noms d'Allah. Alors eux, ils ont pris la voie qui est la plus, la plus sauve, la plus saine et sauve, comme ils ont pris la négation, c'est-à-dire de dire on ne sait pas ce que ça veut dire. Et al-Khalaf, eux, ils étaient plus intelligents, plus sages. Donc, eux, ils ont commencé à établir des règles pour dire, bon, ok, ça, on va dire que ça veut dire ça, ça, on va dire que ça veut dire ça. Et donc, ils mettent les al-khalaf, ils les mettent au-dessus des salaf. Et ça, c'est, comme on dit, une insulte pour les salaf. Eh, non, mais pour eux, ils pensent que le fait d'être entré dans la philosophie, dans ces choses-là, pour eux, c'est comme s'ils pensent que il y a une connaissance là-dedans, et qu'il y a une guidance là-dedans, un avantage. Alors qu'en réalité, tout le bien, c'est comme il y a un vers que les ulama mentionnent souvent, il dit « Wa kullu khayrin fittiba'i man salaf, wa kullu sharrin fittida'i man khalaf. » Tout le bien vient de suivre ce que les salaf ont suivi, et tout le mal vient dans les innovations de ceux qui sont venus après. Al-Khalaf. Fiftida, man khalaf. Ça, c'est une citation que souvent les ulama mentionnent en parlant de ça. Et après le cheikh, il commence à réfuter ces deux positions-là. Là, je suis en train de voir, est-ce qu'on devrait pas laisser ça puis continuer la semaine prochaine à ce point-là, là où il commence la réfutation et passer au texte ici, puis après on continue la semaine prochaine. Parce que là-dedans aussi il y a le même sujet, donc, what's your, What's your suggestion? What's your opinion? Oh, moi je dis on lit ça. Je pense que c'est mieux. Et puis on continue la semaine prochaine pour lire. Tu veux lire encore Hamza? Est-ce qu'il y a un autre candidat pour la lecture? Ok, bon, pour cette fois je vais lire. Mais si quelqu'un veut lire, il n'a qu'à me demander, on va le finir, Inch'Allah. De toute façon, il y a des commentaires que je dois faire à certaines places, alors je vais en profiter, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les termes comme l'espace, al-makan, et le corps, al-jism. Les gens de Bid'a ont dit que Dieu a nié l'espace, ou l'endroit, l'espace, al-makan en arabe, et que nous, Ahl Sunnah, on donne un corps à Allah subhanahu wa ta'ala en affirmant qu'il est au-delà de son trône. C'est pourquoi ils accusent les gens qui suivent les salaf d'être des mujassima, des anthropomorphismes, qui ont anthropomorphismes ou bien des gens qui donnent un corps à Allah subhanahu wa ta'ala, ou mushabbiha, des gens qui font ressembler, qui font une ressemblance entre Allah et la Créateur. La contradiction est très claire de votre part, c'est-à-dire de la part des gens qui font ça. Que ça, à la base, c'est une réfutation des gens qui font partie des Asha'ira. Une réfutation à des gens qui font partie des Ahbash et des Asha'ira. Donc, la contradiction est très claire de votre part lorsque vous dites que Dieu a nié l'espace, puis qu'ensuite vous dites qu'il est partout, ou nulle part. Et nous, subhanallah, si tu leur demandes où est-ce qu'il est Allah, ils te disent qu'il est partout, comme Al-Sufiya ou Al-Jahmiya, ils disent que Allah est partout. Et ça, c'est la même croyance que la croyance des hindous, qui croient au panthéisme, c'est-à-dire que tout, Dieu est tout, et tout est Dieu, Dieu est dans toutes choses, hein, ok, Aqidah Batila. Et ça, c'est, les autres qui disent que Dieu est nulle part, comme les philosophes et ces gens-là qui ont dit que, tu ne peux pas dire que Allah est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière, et ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur du monde. Ça, c'est écrit dans les livres de Aqidah des Asha'ira. Dans leurs livres, ils disent, tu ne peux pas dire que Allah est en haut ou en bas, à gauche ou à droite, en avant ou en arrière, à l'intérieur du monde ou à l'extérieur du monde. Donc, il est où? Hein? Il est nulle part, si on dit ça. Donc, que Dieu a nié l'espace, néanmoins, je vais clarifier le point au sujet de l'espace et du corps. Premièrement, on n'a jamais dit qu'Allah avait ou n'avait pas un corps. Ça, c'est la position de Ahl Sunnah al-Jama'ah. C'est-à-dire, on affirme tout ce qu'Allah a affirmé, et on nie tout ce qu'Allah a nié. Mais, les choses qu'Allah n'a ni nié ni affirmé, on s'arrête à ce terme. Et on cherche à demander à la personne qui parle de ces termes d'expliquer ce qu'il veut dire par ces termes. Parce que il n'y a pas de preuve, ni du Coran, ni de la Sunna, ni pour les nier, ni pour les affirmer. Alors, on ne dit pas qu'il a un corps, on ne dit pas qu'il n'a pas de corps. Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et il est au-delà de son trône, comme il l'a dit lui-même, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Il s'est élevé au-delà de son trône. Si vous croyez que j'ai affirmé ou nié l'espace ou donné un corps à Allah en affirmant cela, c'est parce que dans votre esprit, vous avez tenté d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala et que vous l'avez comparé à sa création. Vous devez savoir que lorsqu'on parle des attributs d'Allah, on doit se limiter aux termes qui se trouvent dans la révélation. Ce qu'Allah nie, on doit le nier, et ce qu'Allah affirme, on doit l'affirmer. Comme nous l'avons déjà expliqué. Et le terme espace, makan en arabe, fait partie des termes ambigus. C'est un terme qui peut avoir différentes significations. On ne peut pas savoir exactement ce que la personne veut dire par espace. Ok? C'est un terme qui est utilisé par les gens de Bid'a pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose avec le terme yani al-jism, ou le corps, ou al-had, les limites. Ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés par les salafs. Ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés par les Sahaba ou les Tabi'in pour parler d'Allah. Jamais tu n'entends les Sahaba dire que Allah a un espace ou n'a pas d'espace, ou qu'il a un corps ou qu'il n'a pas de corps. Les Sahaba ne parlaient jamais de ces choses-là. Hein? Donc, quand les Sahaba entendaient le Coran être récité et qu'ils entendaient les versets comme Ar-Rahman ou Al-Ashtawa ou des choses de ce genre, ils n'allaient jamais dire « Oh non, il ne faut pas dire ça. Allah n'est pas dans un espace. Allah n'est pas dans une place ou des choses comme ça. Allah n'a pas de corps. » Hein? Ça, c'est venu après, quand la philosophie est rentrée dans les, musulmans, dans les pays musulmans, mais avant ça, c'était jamais un problème. D'accord? Alors, ce sont des termes qui n'ont jamais été utilisés pour parler d'Allah dans le Coran, ni dans la Sunna. Yani, essayez de trouver dans le Coran, maintenant, où Allah dit qu'il n'a pas d'espace ou qu'il a un espace. C'est pas écrit, le mot espace, à propos d'Allah, il n'est même pas mentionné dans le Coran, ni dans la Sunna, nulle part. D'accord? La même chose pour les autres termes qu'ils utilisent. Ce sont des termes qui viennent des idolâtres grecs et des innovateurs qui les ont suivis. Le mot espace n'est ni affirmé ni nié par Allah dans le Coran, c'est pourquoi il n'est pas permis de l'affirmer ou de le nier, mais c'est à la personne qui utilise le terme de clarifier ce qu'elle veut dire par ce terme. Si cette personne parle d'un espace créé qui entoure Allah, alors il n'y a pas de doute qu'il n'est pas permis de l'affirmer. Et que les gens de la Sunna ne l'affirment pas, car rien n'existe excepté le Créateur et la créature. Et le Créateur est séparé de sa création. Et Allah, il enveloppe sa création. Hein? Donc, on ne peut pas dire que, si quelqu'un te dit que le fait de dire que Allah est au-delà de ton trône, il veut essayer de nier ça en disant non, tu affirmes que Allah est dans un espace, eh bien on lui dit non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est décrit de la meilleure façon. Et là, si toi tu dis que le fait que Allah, tu affirmes l'espace, et lorsque tu parles de l'espace, ou tu nies l'espace et tu parles de l'espace comme en voulant dire non, Allah n'est pas entouré par sa création, oui, il n'y a pas de problème avec ça, on est d'accord avec toi sur le fait que la création n'entoure pas Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on dit, quand rien n'en veut, mais s'ils veulent dire par la négation de l'espace qu'Allah est au-delà de son trône, séparé de sa création d'une manière qui lui convient, alors nous l'affirmons, car cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Donc si quand il dit que Allah n'a pas d'espace, s'il veut dire par cela que Allah est au-delà de son trône, donc c'est là, oui, on dit Alhamdulillah, oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que Allah, il l'a dit dans le Coran et dans la Sunna. Et cela est plus clair après avoir cité les paroles de l'imam Ibn Abdul Barr dans le livre At-Tamhid, le volume 7, la page 135. Il dit, en ce qui concerne leur argument, l'argument des gens de Bid'ah, si Allah occupe un espace, alors il ressemble à sa créature, car ce qui occupe un espace est créé, on répond que cela ne s'applique pas et ne veut rien dire. Ça ne s'applique pas à Allah, et ça ne veut rien dire en ce qui concerne Allah, car rien de ses créatures, car rien des créatures d'Allah ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas le comparer à aucune de ses créatures, et on ne peut pas non plus le comparer par des analogies, de comparer Allah à sa créature, ni de comparer Allah aux gens. Rien ne mérite l'adoration sauf lui. Il, Allah subhanahu wa ta'ala, existait, Allah existait avant toute chose, puis il a créé les espaces, les cieux et la terre, et ce qui existe entre eux. Et il est celui qui demeure, Al-Baqi, après toute chose, et le créateur de toute chose, et il n'a pas d'associé. Et les musulmans ont dit, ainsi que toute personne qui possède un cerveau, il n'est pas logique qu'un être existe sans un espace. Car ce qui n'a pas d'espace, c'est le néant. Donc ça, c'est la fin de la citation. Ok? Et après, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est né en l'an 164 et qui est mort en l'an 241, il a détruit l'argument des Jahmiyyah qui disent qu'Allah est partout ou qu'il n'est pas dans un endroit, ou qu'il n'est pas au-delà de son trône. Il les a détruits dans son livre Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah, la réfutation des Jahmiyyah. Et en disant, si tu veux savoir si le Jahmi est un menteur à propos d'Allah, le Très-Haut, lorsqu'il dit que Allah est partout, ou qu'il n'est pas dans un endroit, et qu'il n'y a une, et qu'il n'a pas un espace qu'il n'occupe ou qu'il n'est pas au-delà de son trône, je veux dire, et qu'il n'a pas un espace qu'il n'occupe pas, alors dis-lui, n'est-il pas vrai qu'Allah existait alors que rien n'était créé? Alors il dira, oui, cela est vrai. Alors dis-lui, donc, lorsqu'Allah a créé la création, l'a-t-il créé en lui-même ou en dehors de lui-même? Alors là, alors il n'a que trois façons possibles de répondre. Il n'a juste trois façons de répondre. Le premier, s'il s'imagine qu'Allah a créé sa création en lui-même, il a mécru. Il est kafir, il a dit ça. Car il dit que le djinn, l'homme et les diables, shayatin et iblis, le démon est en Allah. Deuxièmement, s'il s'imagine qu'Allah les a créés en dehors de lui-même, puis il les a entrés en lui, ou qu'il est entré en eux, alors il a aussi mécru. Pour cette imaginer qu'Allah est entré dans tous les espaces qui sont sales ou impurs. Troisièmement, et s'il dit que Allah les a créés en dehors de lui-même, puis qu'il ne soit pas entré en eux, alors il est revenu à sa position et il a accepté la position des gens de la Sunna. Et ça, c'est un argument que l'imam Ahmad ibn Hanbal a donné aux Jahmiyyah pour réfuter leurs idées. Hein? Et donc, vous pouvez utiliser cet exemple quand vous allez parler à ces gens-là. Et après, moi, j'ai rajouté des détails parce que c'est des expériences que j'ai discutées avec les Ahbash, qui sont sur la croyance des Asha'ira là-dessus. Et en discutant avec eux, j'ai utilisé ces arguments-là des fois pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire. Et puis, vous allez voir que c'est exactement les mêmes paroles que les gens des autres gens de Jahmiyyah et de Mu'tazila qui ont lié les maîtres d'Allah. Et demandez-leur où est Allah. Ils vous diront que cette question est interdite, car Allah n'a pas d'endroit ou d'espace, et que l'espace est créé. Tu te souviens, pour ça, on avait parlé une fois avec un musulman, on ne savait pas qu'est-ce qu'il était, Ahbash ou quoi. On discutait comme ça, normal. À mesure qu'on avançait dans la discussion, on réalisait que il sortait des idées des fois qui étaient bizarres. Finalement, à la fin, moi j'ai compris qu'il était parmi les Ahbash. Alors là, je lui ai demandé où est Allah. Et là, il dit, Astaghfirullah, Aoudoubillah, comment tu demandes cette question? C'est interdit, haram, là il y a juz, et ça c'est un Allah. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique et rapporté dans Sahih Muslim, il a demandé à la jeune esclave, Ayn Allah, et elle a montré le ciel, elle a dit, c'est Sama. Et il a dit, Man ana, qala anta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, I'atiqha fa innaha mu'mina. Il a dit, libère-la, car elle est une croyante. Hein? Mais ça, c'est un hadith authentique. Et on a une preuve dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question « Où est Allah ?» que c'est permis de demander « Où est Allah ?» et que si ce n'était pas permis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais posé cette question. D'accord ? Donc, ils disent, eux, il est interdit de poser la question « Où est Allah ?» car Allah n'a pas d'endroit ou d'espace et que l'espace est créé. Affirmer cela, donc, implique une ressemblance entre Allah et sa création. Ça, c'est ce qu'il dit. Vous pouvez donc leur répondre ainsi. Premièrement, demander à quelqu'un où est Allah ne peut pas être interdit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a demandé à la jeune esclave dans le hadith de Sahih Muslim qu'on a mentionné tout à l'heure. Et ça, c'est l'histoire qu'un sahabi, je pense que c'était Muawiyah ibn al-Hakam, si je me rappelle bien, avait frappé son esclave, il l'avait giflé au visage. Donc, le sahabi s'est senti mal, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire comme expiation pour se faire pardonner de ce péché-là, d'avoir frappé sa servante ou son esclave au visage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Amène-la ici ». Alors il l'a fait venir, et lui a demandé où est Allah, et elle a dit il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus de la création. Hein? Et après il a demandé qui suis-je ?» Et elle a dit « Tu es le messager d'Allah. » Et il a dit « Libère-la, car c'est une croyante. » Il voulait voir si elle avait compris la croyance islamique, s'il avait compris la foi, l'iman, l'Allah, et que yani, c'est seulement Allah seul qui mérite l'adoration. Parce que il y avait les idoles que les mouchriquines adoraient à Mecca, qui étaient autour de la Kaaba, et il y avait Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus de sa création. Lui, il lui demande « Ayn Allah » pour voir si elle a compris cette notion de tawhid. Yani. Et quand elle a répondu, elle a dit « Wa fi sama » Donc c'était clair. Deuxièmement, vous pouvez leur répondre qu'Allah a dit qu'il est au-delà de son trône dans 7 versets. Yani Allah, vous pouvez leur dire, Allah il a dit dans 7 versets dans le Coran qu'il est au-delà de son trône. On les a mentionnés dans le texte. Et vous donnez donnez-lui la réponse de l'imam Ahmad. Est-ce qu'Allah a créé la question de l'imam Ahmad? Est-ce qu'Allah a créé le monde, la création, l'espace? À l'intérieur de lui-même ou à l'extérieur de lui-même? Car il n'y a que ces deux possibilités. S'il répond qu'Allah a créé l'espace en lui-même, il a quitté la foi. Et s'ils disent qu'Allah a créé l'espace en dehors de lui-même, alors on leur dit que cela, c'est ce que nous affirmons en notre foi en al-istiwa al-arsh. C'est la foi en le fait qu'Allah est au-delà de sa création. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une poignée avec les cieux et la terre. السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Allah dit ça dans Surah Az-Zumar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَشْرِكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils n'ont pas donné à Allah le respect qu'il mérite, parce qu'au jugement dernier, les cieux et la terre en entier seront une poignée dans sa main droite. Donc l'univers entier, il va la prendre dans sa main droite, il va en faire une poignée. Les cieux et la terre, et tout l'univers. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers entier, c'est comme un grain de sel dans une de nos mains. C'est rien, subhanallah. On est minuscule. Rien, même pas une poussière. Donc, de dire que, yani, de parler d'Allah de cette façon, yani, c'est de ne pas connaître Allah, de ne pas donner à Allah le respect qu'il mérite. Hein? Laïsa kamis ibn shay, rien ne lui ressemble. Et troisièmement, si vous pouvez aussi leur répondre, vous pouvez aussi leur répondre. Et vous dites qu'Allah n'est ni vous les Asha'ira, vous dites qu'Allah n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, ni à l'intérieur de sa création, ni à l'extérieur de sa création. Comme cela est expliqué dans vos livres par vos savants. Et vous dites que d'affirmer l'istiwa implique une ressemblance. Maintenant je vous dis, je dis aux Asha'ira, vous niez qu'Allah est au-delà de son trône par crainte d'une ressemblance avec la créature. Alors que vous êtes en train de faire ressembler Allah au néant. Parce que les exemples qu'ils donnent, les négations qu'ils font, ça équivaut à dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est rien, n'existe pas du tout, il n'est nulle part. Hein? Qu'est-ce qui est nulle part? Rien. Le néant. Donc ils veulent s'enfuir de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ce qui existe pour le faire ressembler à ce qui n'existe pas, il y en a le néant. Et ça c'est pour ça que les ulama ils ont dit, les mushabbiha ils adorent une idole, hein, mushabbiha abadu talaman, wa al-mu'abtila abadu adaman. Al-mu'abtila ceux qui nient les attributs d'Allah, ils ont adoré quoi? Ils ont adoré le néant, ils n'ont adoré rien. Qu'ils nient les attributs d'Allah. Hein? C'est comme des athées. Et puis, c'est quoi la différence d'un athée qui nie toutes les attributs d'Allah et tous les noms d'Allah et d'un athée qui nie 3, 4 ou 5 des attributs d'Allah? Okay, je crois, il dit, ok, je crois en Allah, mais je ne crois pas qu'il est tout puissant. Et je ne crois pas qu'il est, qu'il voit tout. Mais je crois aux autres attributs. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'il a cru en Allah? Non. Tu n'es pas croyant en Allah tant que tu n'as pas affirmé tous les attributs et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu as enlevé à Allah des caractéristiques ou des attributs qui lui appartiennent et qui font partie de son être. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre cette signification-là. Et ensuite, et Al-Jahmiya sont deux catégories sur ce point, ceux qui disent qu'Allah est nulle part, ceux qui nient Allah et Annie directement, et ceux qui disent qu'il est partout, hein, comme As-Sufiyya et certains d'entre eux qui croient en Wahdatul Wujud, que toute la création n'est que, toute l'existence n'est qu'une seule existence, et le créateur et la création sont une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et Allah a récité cette idée de Wahdatul Wujud dans le Coran, lorsqu'il dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Et ils ont fait, et ils lui firent de ses serviteurs une partie de lui-même. L'homme est vraiment un ingrat déclaré. Comme les chrétiens qui ont dit que Jésus est Dieu incarné, ou qu'il est le troisième du trois, ou la Trinité. Et ils disent, quand ils parlent de Dieu, ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu, le Saint-Esprit, il y a comme s'il y a trois, il dit trois fois le mot Dieu. Hein? Donc, ça, c'est une forme de shirk. Ensuite, il y a un autre point aussi, c'est à propos de Al-Kayf, Al-Kayfiyya. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne doit pas dire ou demander à propos des attributs d'Allah le comment. Comment ils sont. D'accord? Et je voulais spécifier un point important au sujet des attributs divins, comme j'ai remarqué que certains musulmans mentionnent le fait qu'Allah n'est pas de commun, et surtout les Asha'ira disent que Allah n'a pas de commun, mais eux ils veulent dire par là autre chose. Toutefois, ce qui est plus correct de dire, c'est qu'il n'est pas permis de demander le commun, et non pas de dire qu'il n'a pas de commun. Car en fait, il est impossible pour nous de savoir comment est Allah subhanahu wa ta'ala, comment est son visage, comment sont ses mains, ses yeux, comment il s'élève au-delà de son trône, comment est son savoir infini, comment est son ouïe, comment est sa vision, et comment est sa parole, comment il fait pour créer, ou ces choses-là, on ne peut pas le savoir. Mais pour tous ces attributs, il est impossible de connaître le comment, car rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne signifie pas que nous pouvons nier la réalité des attributs, car certains des gens de Bid'a utilisent la formule « Allah n'a pas de commun » pour nier l'attribut elle-même. Comme si on dit par exemple « ta maison n'a pas de commun ». Qu'est-ce que ça signifie si je dis « ta maison n'a pas de commun » Ça veut dire quoi? Subhanallah. Est-ce que ça signifie que je ne connais pas la description de ta maison, ou est-ce que ça veut dire que ta maison est sans attribut? Hein? Donc eux, ils utilisent cette formule-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça devient un peu ambigu. On ne sait pas exactement est-ce qu'ils veulent dire par là nier les attributs d'Allah ou en réalité dire qu'on ne sait pas comment sont les attributs d'Allah. S'ils veulent nier la connaissance des attributs d'Allah ou de la réalité des attributs d'Allah, dans ce cas-là, comment elles sont, s'ils nient le comment, comment elles sont, d'accord, dans ce cas-là c'est correct. Mais s'il nie la signification, ou s'il nie qu'il a des attributs, alors là c'est faux. Et les salafs affirmaient les attributs sans chercher à comprendre le comment des attributs, et on a mentionné déjà Al-Athar rapporté par l'imam Malik lorsqu'on l'a interrogé au sujet du verset Ar-Rahman ou Al-Arsh Istawa, Ar-Rahman s'est élevé au-delà du trône, comment s'est-il élevé? La personne est entrée dans son darf et il a demandé comment s'est-il élevé. Et l'imam Malik a répondu Al-Istiwa ma'loum wal-kayf majhoul wal-imanu bihi wajib wal-su'alu anhu bid'a. Il a dit Al-Istiwa c'est connu dans la langue arabe, tout le monde, et quand je dis les arabes, savent qu'est-ce que ça signifie. Je parle des Arabes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Bédouins à cette période-là, qui parlaient l'arabe pur. Pas les Arabes d'aujourd'hui, qui parlent l'arabe mélangé avec toutes sortes de dialectes et toutes sortes de langues étrangères. Aujourd'hui, les Arabes, même les Bédouins, leur arabe n'est plus l'arabe pur, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été mélangée, elle a été changée depuis. Mais quand on parle de la langue arabe, on parle de l'arabe classique du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour ça qu'on retourne au dictionnaire ancien qui explique l'arabe, comment elle était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'est ça qu'on dit que, elle est connue ce mot-là chez les Arabes, dans la langue arabe, ils le connaissent. Mais, al-kayf, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Et de croire en ça, c'est obligatoire. Et de poser la question, c'est une bid'ah. Donc le frère, là, bientôt, il va faire l'azan. Donc, il y a une autre de leurs tactiques, il y en a parmi les gens de bid'ah. Quand on leur parle de l'istiwa, on leur mentionne le verset que Allah dit que l'istiwa, Allah est au-delà de son trône, istawa ala l'arsh. Ils disent non, le mot istiwa, ça veut dire 15 différentes définitions dans la langue arabe. Il y a 15 significations. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, comme j'expliquais avant le azan, subhanallah, une de leurs tactiques, c'est bien de dire, alors quand tu leur parles de ça, tu vas leur dire, al-istiwa, ar-Rahman wa al-Arsh istawa. C'est une phrase, c'est clair. D'accord? Ils ne peuvent pas le nier. Sauf qu'une tactique qu'ils utilisent, c'est de dire, ce mot-là, dans la langue arabe, il a plus que 15 définitions. Même peut-être ils vont augmenter, ils vont dire 50 ou 100. Subhanallah. D'accord? Donc, en disant ça, qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Ils essaient de faire croire que c'est impossible de connaître la réelle signification du mot istawa. D'accord? Et ça, cette tactique se nomme en fait la tactique de tafwid. C'est une autre forme de, la même chose que qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure de tafwid. Vous dire que c'est seulement Allah qui connaît la réelle signification de ce mot. Pourtant, le Coran fut révélé dans un arabe pur pour que les gens puissent le comprendre clairement. Et, c'est clair que même si le mot a plusieurs, n'importe quel mot, même dans la langue française, il y a certains mots qui ont différentes significations. Sauf que, en général, lorsqu'un mot a plusieurs significations, ça se ramène toujours à un certain contexte. C'est-à-dire, un mot peut avoir une signification, par exemple, différente, mais selon un contexte particulier, il ne peut pas avoir plus qu'une seule signification. Hein? Par exemple, quand Allah dit « Ar-Rahman wa al-Arsh istawa », les Arabes, lorsqu'ils utilisaient le mot, le verbe istawa avec le harf ala qui vient après, istawa ala shay, ça voulait toujours dire, comme les ulama, comme on va mentionner, ça veut toujours dire ala wartafa'a, c'est-à-dire monter et s'élever au-dessus de quelque chose. Ça a toujours eu cette implication ou cette signification-là. Mais si on le dit, par exemple, avec ila, comme istawa ila sama, par exemple, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, summa istawa ila sama'i wa hiya dukhan, fa qala laha wa lil ardi kiya taw'an aw karha. Donc ça, c'est un autre exemple. Et ils ont dit que lorsque on l'utilise avec ila, ça peut avoir le sens de al-qasd, mais aussi ça a aussi le sens de يعني على وارتفع aussi en même temps. C'est-à-dire l'intention de créer et le fait de s'élever et de monter au-dessus des cieux ou du trône. Hein. Et ensuite, comme exemple, on peut mentionner que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il mentionne dans Sahih al-Bukhari, dans son livre, al-Jam' al-Sahih, il dit dans le chapitre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, hein, c'est le dernier chapitre dans son livre, et ce chapitre-là, dans son livre de hadith, yani, Sahih al-Bukhari, il l'a mis dans son livre pour réciter le Jahmiyyah. Hein? Parce qu'on sait que l'imam al-Bukhari, il était sur la aqidah des salafs. Aqidah des salafs. Alors, il dit dans son livre, dans la section, wa kana arshuhu ala al-ma, et dans, wa huwa rabbu al-arshi al-azim, il dit, أبو العالية أدي قال أبو العالية استوى على السماء استوى إلى السماء signifie qu'Allah s'est élevé, c'est-à-dire ارتفع. Le mot qu'il a dit en arabe c'est ارتفع, c'est-à-dire il s'est élevé. Et il dit ensuite وقال مجاهد استوى معناه على العرش. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il s'est élevé, il a monté au-dessus du trône. C'est clair. Et ça, c'est qui a dit ça? Mujahid. Et c'est qui Mujahid? Mujahid, c'est l'élève de Ibn Abbas, le sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté que Mujahid a lu le Coran à Ibn Abbas pendant trois fois, en l'arrêtant à chaque verset pour lui demander l'explication de chaque verset. Et on sait que Ibn Abbas, c'est pas n'importe qui, c'est Tourjouman au Coran. C'est-à-dire que c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation pour Ibn Abbas et lui a demandé, il a dit Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui la connaissance de l'interprétation du Coran. Hein? Et donc Allah avait fait un dua pour Ibn Abbas dans ce sens. Et donc on l'appelait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un dua pour Ibn Abbas dans ce sens pour lui enseigner at-ta'wil, c'est-à-dire le tafsir, l'explication du Coran. Et donc si on sait ça à propos d'Ibn Abbas, et si on sait que Mujahid était son élève, alors on ne peut pas avoir un doute par la suite sur le fait que lorsqu'il dit que Ar-Rahman ou Ala al-Arsh istawa, ça signifie Ala al-Arsh, on ne peut pas avoir aucun doute que cette explication-là, c'est la bonne explication. Et que la connaissance de la langue arabe d'Ibn Abbas, elle est bien au-dessus de la connaissance des Asha'ira et des gens de Bid'a qui sont venus par la suite. Bien sûr, aujourd'hui, si vous allez voir dans des dictionnaires récents, des dictionnaires modernes qui ont été composés ou écrits après l'époque des salafs, il y en a parmi ces savants qui ont écrit ces dictionnaires qui avaient déjà accepté la croyance des Asha'ira. Alors, lorsqu'ils ont donné la définition du mot istawa dans leur dictionnaire, ils ont rajouté la définition des Asha'ira, c'est-à-dire istawla. Mais lorsque vous retournez au livre, au dictionnaire des salaf, qui ont été écrits avant la période des Asha'ira et des Mu'tazila et des Jahmiyyah, vous voyez que l'explication, c'est exactement celle que les Sahaba ont donnée. C'est-à-dire, ala wa rtafa'a. Mais il n'y en a pas deux qui sont en désaccord sur ce sujet-là. Hein? Ibn Qutayba et Abu Ubaida, ça c'est parmi les a'imma de la langue arabe, et plusieurs autres aussi. Ils ont tous mentionné que ce n'est pas la définition du mot istawa, et non pas comme Al-Ash'ara on dit istawla, ou que Dieu a conquis le trône. D'accord? Donc, ça c'est clair. Et ça clarifie que aussi que le comment existe, c'est-à-dire il y a un comment, sauf que c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît comment sont ses attributs, et nous on doit croire à Allah tel qu'il s'est décrit, pas essayer de nier ou de changer l'attribut. Et c'est pourquoi l'imam Malik a dit al-istiwa ma'loum wal-kayf majhoul was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa ma'loum, on connaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Wal kayf majhoul, on ne sait pas comment Allah fait ça, mais de poser cette question-là en partant, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Ça ne fait pas partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله نسيكم بارك إن شاء الله donc on va continuer la semaine prochaine inshallah avec la récitation du chef Al-Fawzan Barakallahu fik. Okay, yeah.